cours numéro 24. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mada akhadna fi darsina al-akhir? On révise le dernier dars. Tfadal. يعتقدون أن الذي قال لا إله إلا الله مبني على الإسلام أي لم يخرج منها بشهادته أن من قال لا إله إلا الله فلا يضره إذا دعا غير الله أو أشرك بالله لماذا؟ لأنه لا prononcer هذه الشهادة العظيمة فإذا سيت شبهة أنهم يديز لا إله إلا الله. Comment dire que ce n'est pas des musulmans et qu'ils font du shirk alors qu'ils ont prononcé cette kalima? Ils se sont basés sur quel hadith? Tfaddal. Usama radhiyallahu anhu ijtahada wa qatala al-shakhs alladhi yashhadu an la ilaha illallah. Na'am. Wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam madha qala lah? Aqataltahu. أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله فهم المشركون ceux qui font du shirk ils ont compris ce hadith أن celui qui dit لا إله إلا الله فدمه حرام وعرضه حرام وماله حرام على كل حال même si il l'annule avec un annulatif كالشرك et ça c'est باطل. La réponse à la shubha, وهم يقولون نعم أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا الخوارج مع أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله يديز لا إله إلا الله الخوارج بل يفزبوك الصلاة يفزبوك القرآن مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية أي sortiront de ce din comme la flèche elle sort de sa proie. وهكذا علي رضي الله عنه il a combattu السبائية مع أنهم يديزي لا إله إلا الله. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم ils ont combattu les suiveurs de مسيلمة الكذاب مع أنهم يديزي لا إله إلا الله. وعلى كل حال أن هذه الكلمة لنافعة عظيمة. C'est avec cette kalima qu'on rentre fil islam, lakin cette shahada, ce témoignage, un la ilaha illallah, al haqiqa, celui qui a compris le sens de ce témoignage, la shak, annahu, il comprendra la gravité de contredire cette kalima. Le sens de la ilaha illallah, comme taqaddam ma'ana kathiran, anna celui qui témoigne la ilaha illallah fil haqiqa, il a témoigné, il a pris l'engagement annahu il adore que Allah azza wa jalla, personne d'autre min al makhluqat, la nabi wa la malak wa la salih wa la hayy wa la mayyit, que ce soit un prophète, que ce soit un ange, que ce soit un vivant, un mort, celui qui dit ashhadu an la ilaha illallah fil haqiqa, il témoigne, il atteste annahu personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. فكيف بعد هذا يبادغي اوتر كالله عز وجل فهؤلاء يزادغ اوتر كالله عز وجل ثم يديز مي اون دي لا اله الا الله. Ils ont pas compris ان هذه الكلمه تنفع الشهاده لو تيمونياج ان لا اله الا الله سي اوتيل بور سولوي كي كونتردي با سو تيمونياج. اما واحد يدي لا اله الا الله اي بيرسون نو ميريت داتر ادوري سوف الله ثم يلادغ اوتر كالله هذا لا شك ان أن هذه الكلمة lui sera d'aucune utilité. فلهذا cette kalima c'est pas une simple parole qu'on prononce avec la langue. Là on doit prononcer avec la langue bien sûr, on doit comprendre, on doit croire et on doit faire attention à ce qui annule cette kalima. Et le principal annulatif et c'est le péché le plus grave, الشرك بالله. Adorer autre qu'Allah, invoquer des morts, sacrifier pour Sidi Foulan, aller voir des sorciers, se moquer de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça, ça annule cette kalima. C'est ce qu'on appelle al-kufr, la mécréance. Lakin, ha'oula, ils ont pensé en biqawlihim, ashhadu an la ilaha illallah, ka'annahum, ils sont à l'abri de sortir de l'islam. Et cette kalima qu'ils ont dit, annahum c'est des muslimines jusqu'à leur mort, même s'ils la contredisent. Ça, c'est batil. Enfin, le musulman, bien sûr, qui rentre fait l'islam avec cette kalima, mais il y a des choses qui font sortir de l'islam, et c'est les annulatifs de ce témoignage. Allez, c'est très très important de connaître le sens de cette kalima avec ses conditions, et on a étudié ensemble, wallahi alhamd, et kadhalik, c'est très très important de connaître les annulatifs de cette kalima. Et on a étudié kadhalik ces annulatifs dans Nawaqid al-Islam. Ala kulli hal, c'est une shubha hazila jiddan. Cette ambiguïté, elle repose sur rien, fil haqiqa. Et kadhalik, on avait cité أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة رضي الله عنه قتله الرجل كي أدى لا إله إلا الله لماذا؟ لأن cet homme il avait dit لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Il est rentré في الإسلام. Et Usama il a pensé qu'il avait dit cette kalima pour préserver son sang. لماذا؟ لأنه il avait peur d'être tué. فاشتهد. Et il a pensé qu'il fallait le tuer. فالنبي صلى الله عليه وسلم لهذا قال أقتلته. Tu l'as tué après qu'il ait dit la ilaha illallah. Thumma Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala shaqaqta an qalbih. Est-ce que tu as ouvert son cœur pour voir s'il est véridique comme là? Ça nous montre que celui qui dit cette kalima, il rentre dans l'islam. Lakin celui qui l'a contredit, il sort de l'islam. Mathalan, wahid dit ashhadu an la ilaha illallah et il insulte Allah. Ou il se moque de din. Iyadan billah. Ou il demande aux morts. Il visite les tombes, les mausolées, Sidi Foulan l'Akhri, il sacrifie, fait tawaf, il leur demande. Il a annulé hadihi al-kalima. Donc l'argument qu'ils ont pris, il n'a rien à voir avec le sujet. Cet homme, il n'a pas contredit cette shahada. Il a dit, ashhadu an la ilaha illallah, il s'est fait tuer. Ammahum, ils disent, ashhadu an la ilaha illallah, et ils adorent les morts. Et ils placent leur confiance et ils ont peur de ces morts et ils espèrent de ces morts et ils leur demandent la guider, la guérison. Il y a une énorme différence entre les deux cas. قال رحمه الله ولهم شبهة أخرى la quatorzième وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى فكلهم يعتذر وفي رواية كلهم يعتذرون بالجمع حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا لا كتوزيم شبهة أن المشركين يسبات sur un autre حديث et ils pensent que c'est un argument pour eux. Et ce hadith, c'est hadith al-Shafa'a, al-Uzma, le long hadith sur Shafa'a qu'on a déjà lu ensemble dans certains doros. Et le résumé, l'a cité هنا l'auteur, rahimahullah, أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم. Aïe, le jour du jugement, quand tout le monde, al-Muslimoun, wal-Kafiroun, wal-Munafiqoun, les croyants, les koufars, les hypocrites, les juifs, les chrétiens, tous les êtres humains, ils attendront que les comptes y commencent. Et comme tu le sais, l'attente, elle sera très très longue. Et le soleil, il sera très très bas. Après cette longue durée, فَيَسْتَغِيثُونَ بِي Adam, et ils demanderont à Adam qu'il fasse le shafa'a, et qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala que les comptes y commencent. L'attente, elle est trop longue. Thumma, ils iront voir Nuh, thumma Ibrahim, thumma Moussa, thumma Isa, alayhim, as-salatu wassalam. Fakulluhum ya'taziroun. Chacun de ces prophètes, en commençant par Nuh jusqu'à Isa, alayhim, as-salatu wassalam, kulluhum ya'taziroun. Tous se diront, annahum, ils ne pourront pas faire cette shafa'a. Hatta yantahu ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Hatta à la fin, ils iront voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fera shafa'a. Fahoum, ils se sont basés sur ce hadith. Anna cette demande à Adam, et cette demande à Ibrahim, et cette demande à Moussa. Pour eux, c'est une demande, c'est un dua, et personne ne dit que c'est du shirk. Donc, cette demande, eux qui font fi dunya, Il demande aux morts, il demande à Sidi Foulan, il demande à un tel. Ils disent kadhalik, c'est pas du shirk. Ils ont comparé deux choses différentes, kadhalik. Et on avait cité dans le dars précédent, anna ahlul batil, que ce soit le kuffar, que ce soit les hypocrites, que ce soit les innovateurs, vu qu'ils ont un manque de sincérité, et leur but c'est pas le haq, en général, les arguments qu'ils utilisent, même si c'est des versets du Coran al-Karim, même si c'est des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, l'argument il n'est pas mis à sa place. L'imadha, leur but c'est de défendre leur position. Et nous, on doit faire attention à ça. Quand tu cherches une preuve, n'essaye pas de défendre ta position. L'imadha, peut-être que ta position elle n'est pas bonne. T'es un être humain, tu te trompes, tu t'oublies, tu peux t'égarer, tu peux avoir une mauvaise intention. On n'est pas à l'abri. Enfin, quand tu cherches un argument, cherche-le pour trouver la vérité. Si tu cherches un argument pour suivre ta, pour défendre ta position, enfin, peut-être que tu vas trouver un argument, un délire, min al-Qur'an ou min al-Sunnah, et tu vas le tordre. Tu vas le manipuler. Hatta, il correspond à ce que tu penses. Et ça, c'est très très grave. Et ça, c'est, ayyadam billah, une énorme porte d'égarement. Et vous avez remarqué que ha'oula al-mushrikoul, ils se sont égarés min hadha al-bab. Ils font du shirk et ils disent, le professeur sallam, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit fil Qur'an, limadha li'annahum, si ils rechercheraient la vérité, et ils délaisseraient leur position. Et leur but, ça serait de chercher un délil qui montre, est-ce que ce qu'ils font, c'est du shirk amla? Est-ce qu'ils auraient cité cet argument abdel? Léna, ça n'a rien à voir avec la situation. Avant de lire, c'est quoi? Comment on peut répondre? Pourquoi cet argument qu'ils ont cité, ce hadith, ça ne peut pas appuyer leur position? Anahum, ils invoquent des morts. Tfaddal. لأن آدم عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء à ce moment ils ne seront pas morts, ils seront présents comme قال الأخ. Et demander à quelqu'un de présent, de vivant, ce n'est pas du shirk. Je demande à un frère de m'aider dans quelque chose. Est-ce qu'on va dire, tu as demandé de l'aide, c'est du shirk? Abatan. L'Anna, il est vivant, il est présent, il est capable de m'aider, ça n'a rien à voir. Ammahoum, il demande à Abdel Qadr al-Badawi, à Sidi Foulan. Ils ont des saints partout là. Et ta'alamoun, Annahoum, ils ont ce qu'ils appellent des zawiyah, des endroits. Et il y a des awliya pour guérir les enfants. Il y a des awliya pour celui qui ne peut pas se marier. Il y a des awliya pour celui qui n'a pas fait le hajj. Il y a des awliya pour celui qui ne trouve pas de travail. Il y a des awliya pour chaque chose. Et il leur demande bindounillah. Alors que ces saints, si c'est vraiment des hommes pieux, bien sûr, et même si c'est des hommes pieux, ils sont morts. Ils ne peuvent pas répondre, ils ne sont pas présents. Enfin, leur demander, c'est du shirk. Contrairement à cette situation. Enfin, vous avez vu, Ahlul Batil, c'est un argument avec le haqiqa. Il n'y a qu'une chose qui est pareille, c'est la demande. Tu demandes, tu demandes. Là, la situation, ça n'a rien à voir. Ça nous montre, ce n'est pas toutes les demandes aux créatures, c'est forcément du shirk, là. قال والجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه. Ça c'est من باب الاستعجاب. L'auteur rahimahullah, il a dit سبحان من طبع على قلوب أعدائه. أي سبحان الله. أي سبحان الله qui a égaré et qui a aveuglé هؤلاء. Et comment ils ont pu citer ce hadith comme argument pour appuyer ou légitimer leur fi'l? Ces invocations qu'ils font, cette demande qu'ils font aux morts, Allahu s'est permis les mada, il y en a le jour du jugement, les gens ils vont demander à Adam et à Nuh et au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. قال فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها. كما قال الله تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وفي غيرها من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق. أي on a jamais renié, même من موحد, même من سني, personne من أهل الحق ne renie أنه c'est permis de demander à un vivant qui est présent. Maintenant, tu es dans une situation difficile et c'est ça l'istighatha comme taqaddam ma'ana. Izalat shidda. Wahad, il est dans une situation très très compliquée, il demande à son frère. مثلاً كما حصل لصاحب موسى فاستغاثه الذي من شيعته. Il a demandé de l'aide à Moussa. Et Moussa, il l'a aidé. هذا c'est pas du shirk abadan. Donc, la réponse elle est claire. L'argument qu'ils ont cité, ça n'a rien à voir avec le sujet. Il a démontré qu'ils faisaient du shirk. Ils adoraient les morts, ils invoquaient les morts. قال ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. C'est ça qu'on leur reproche, نحن. On leur reproche à Nahum, ils demandent aux morts la guider, alors qu'il n'y a qu'Allah qui peut guider. On leur reproche qu'ils demandent aux morts la guérison pour leurs enfants, alors qu'il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut guérir. L'insan, il fait des causes, faqat. Mais la guérison, c'est biyadillahi azza wa jal. On leur reproche, ils demandent aux morts pour avoir des enfants. Les malades, ils n'arrivent pas à avoir des enfants, malgré qu'ils sont mariés. Minallah azza wa jal, c'est une épreuve. Et ils demandent aux morts. Alors que ce mort, il ne peut pas donner d'enfants. C'est ça, ash-shirku billah azza wa jal. Amma, demander à quelqu'un de vivant, présent, qui est capable avec ces trois conditions, هذا سي اوتر شوز. قال فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يراد منها وفي نسخة يريدون منها أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف وهذا جائز في الدنيا والآخرة. نعم أي cette demande à ces prophètes, c'est pour qu'il fasse al-shafa'a, limadha, li'anna l'attente, elle sera trop longue. Donc, c'est demander à un être humain, à un nabi, à un rasoul, quelque chose qu'il est capable de demander. C'est pour ça que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il va demander al-shafa'a. Qala, wa hadha ja'izun fi dunya wal akhira, an ta'ati 'inda rajulin salihin, yujalisuk, wa yasma' kalamak, fataqulu lah, ud'u Allah li. كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف بدعائه نفسه وفي نسخة بأبي أنت وأمي. هذا واضح أن demander à un makhlouq qui est vivant, présent et capable, ça n'a rien à voir avec ceux qui demandent aux morts. C'est deux situations totalement différentes. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى هذه شبهة أخرى من شبههم وهي أنهم يقولون إنه ثبت في الحديث الصحيح حديث الشفاعة العظمى أن الناس يوم القيامة إذا طال عليهم الوقوف والقيام على أقدامهم 50,000 سنة 50,000 ans l'attente le jour du jugement والشمس قد دنت منهم أي قربت الدنوس القرب أي le soleil sera très très proche في الحديث قدر ميل أي une distance très, le soleil sera très très proche. فالخلائق كلهم مجموعون من أولهم على آخرهم في زحام شديد والشمس على رؤوسهم قريبة منهم وهم واقفون على أقدامهم. Donc cette attente très très longue, tout le monde est debout, le soleil est très très proche. Voilà, chaque que ça sera très très compliqué. Surtout pour الكفرة, المجرمين. قال فعندما يحصل لهم هذا الكرب يتذاكرون الشفاعة عند الله عز وجل ثم après une certaine durée certains mu'minun ils se rappelleront de shafa'a et cette shafa'a qu'ils ont apprévu à dunya ils connaissaient ils se rappelleront donc ils iront voir les prophètes pour leur demander فيرون أن الأنبياء هم أول الذين يشفعون عند الله ويأتون إلى آدم يطلبون منه أن يشفع عند الله لهم ليريحهم من الموقف فيعتذر عليه الصلاة والسلام بسبب ما حصل منه من الخطيئة مع أنه تاب منها وتاب الله عليه ولكن يستحي من الله عز وجل. Et non, ça fait partie du bon comportement, alayhi salatu wassalam, Adam, annahu il n'osera pas demander à Allah Azza wa Jal. Limadha li annahu, il a mangé de l'arbre, le fruit. Il n'osera pas demander à Allah Azza wa Jal, fa ils iront voir Nuh. Thumma ya'touna ila Nuh, alayhi salam, awwal ar-rusul, fa ya'tadhir. Thumma ya'touna ala Musa, fa yatlubuna minhu, fa ya'tadhir. Thumma ya'touna ila Isa, alayhi salatu wassalam, آخر أنبياء بني إسرائيل فيعتذر لأن الموقف موقف عظيم أمام الله سبحانه وتعالى. Donc chacun de ces prophètes عليهم الصلاة والسلام جميعا ils diront d'aller voir un autre. أي ils ne demanderont pas Allah سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذه الشفاعة العظيمة اللي réservée qu'au prophète عليه الصلاة والسلام. لهذا الله سبحانه وتعالى يفسلتخ عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام دفخ سدمون ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول c'est moi, c'est pour moi, c'est moi qui demandera. Et ça c'est un دليل أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام c'est le meilleur des prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala il l'a élevé avec beaucoup de choses, le Coran il a akhiré et avec hadhihi ash-shafa'a. Thumma ya'ti wa yasjud bayna yaday rabbih wa yahmadu Allah wa yuthni alayhi wa yad'uhu wa yastamir sajidan bayna yaday rabbih hatta yuqal lahu ya Muhammad irfa' ra'sak wa sal tu'ta wa shfa' tushfa'. An-nabi sallallahu alayhi wa sallam il se prosternera et il invoquera Allah subhanahu wa ta'ala kathiran. كذلك يثني عليه. Et après une certaine durée, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dira, Ya Muhammad, irfa ra'sak. Et il lève la tête. Et lève-toi du sujoud, redresse-toi. Wassil tu'ta, demande. Washfa'tu shafa'a. Et tu peux faire ash-shafa'a. لأنه لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه والرسول صلى الله عليه وسلم ما ذهب إلى الله وشفع ابتداء بل استأذن من ربه وسجد بين يديه حتى أذن له وهذا كقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا تقدم معنا أن ça fait partie des conditions de la demande d'intercession الإذن أي que الله سبحانه وتعالى il donne la permission pour que un tel minan nas il puisse faire ash-shafa'a. Enfin, notre prophète Mohammed alayhi salatu wasalam, il n'a pas fait ash-shafa'a directement là. Il s'est prosterné, il a demandé. Hatta Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a dit ish-fa' tu shafa'a. Ay fi ash-shafa'a. Ay il lui a donné l'autorisation. Amma ha'oula al-an, al-mushrikoun, ils demandent à des morts ash-shafa'a alors que personne leur a autorisé ça. بل الله سبحانه وتعالى il a démontré que c'était du kufr et du shirk comme on a vu كثيرا. قال فيطلب من الله أن يفصل بين عباده ويريحهم من الموقف فيستجيب الله شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم وهذه تسمى الشفاعة العظمى والمقام المحمود وهي قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا بمعنى أنه يحمده عليه الأولون والآخرون والآخرون نعم الأولون والآخرون. Donc الشفاعة العظمى c'est cette شفاعة pour جميع أهل الموقف. Vous avez remarqué que يتقدم معنا أن cette شفاعة n'est que pour le prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام, personne d'autre. Et ceux qui profiteront de cette شفاعة c'est pas que les croyants, tout le monde, tout le monde. Et les comptes débuteront. Et كذلك il l'appelle al-maqam al-mahmoud كما جاء في القرآن عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال القبوريون, القبوريون أي ceux qui adorent les tombes, فهذا فيه جواز الاستغاثة بالأنبياء والأولياء والصالحين وأنتم تقولون لا يستغاث إلا بالله. وقالوا فهذا يدل على أن طلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم جائز حيا وميتا وكذلك غيره. Donc, comme ils ont dit, c'est permis de demander à Shafa'a au prophète, alayhi salatu wasalam. Et كذلك, si c'est permis de demander au prophète, alayhi salatu wasalam, c'est permis de demander à ceux qui feront Shafa'a. Lakin, ils ont délaissé un point essentiel dans le hadith, an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé la permission. Et كذلك ان هؤلاء qui ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est yawm al-qiyamah, et tout le monde sera vivant. Amma hum, ils demandent à des morts. Deuxièmement, ils demandent à des morts et ils n'ont pas la permission. Et plutôt, ce mort, il n'a pas la permission de faire shafa'a. Man qala lahum anna ce mort, il fera shafa'a. On ne sait pas, Allahu a'lam. Est-ce que Allah va l'autoriser, amla? Ces deux points, ça montre, annahum, ils ont clairement contredit hadha al-hadith. والجواب عن هذا كما يقول الشيخ رحمه الله إن هذا طلب من إنسان حي قادر على الدعاء وعلى الاستئذان بالشفاعة والطلب من الإنسان في حال حياته وقدرته ليس من الممنوع كما في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه وكما يستغيث الإنسان بإخوانه في الحرب وغيرها نعم واحد مثلا سي des ennemis de l'islam, ils veulent lui faire du mal et il se retrouve isolé dans un endroit et demande à ses frères de l'aide, c'est permis. Et Ad-Dalil, c'est cet homme ibn Bani Israël qui a demandé de l'aide à Moussa. قال فهذا فيه دليل على أن الاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه جائزة والذي يقع من الأمم يوم القيامة هو استغاثة بالحي وطلب الدعاء منه فيجوز أن تذهب إلى إنسان حي قادر يسمع كلامك وتقول يا فلان أدعو الله لي بكذا وكذا وسيأتي أن تنبيه في هذا من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أي c'est permis de demander à un vivant il est présent et il est capable أي c'est pas du shirk. Lakin baqiya, est-ce que c'est bien de le faire? Est-ce que c'est recommandé? Sayati ma'ana. Inch'Allah, on lira ensemble min sharh Cheikh ibn Uthaymeen. Rahimahullah. Qala wa as-sahabatu kanu ya'maluna hadha ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hayatihi wa laysa hadha min ash-shirk. Innama alladhi yakunu shirkan wa ankarnahu huwa al-istighathatu bil mayyit wa hadha la 'alaqata lahu bi hadith ash-shafa'a. Il n'y a aucun rapport, il n'y a aucun lien entre leur situation, Nahum, ils invoquent des morts, et Hadith al-Shafa'a. Kadhalik, il n'y avait aucun lien entre leur situation et Hadith Usama, radiyallahu anhu. Aïe, dans le dars précédent. لأنكم تستغيثون بأموات وتطلبون الشفاعة منهم والأموات لا يقدرون على الشيء فلا يجوز أن يذهب إلى قبر يستنجد به ويدعوه أو يطلب منه الدعاء أو الشفاعة وغير ذلك ففيه فرق بين عمل هؤلاء المشركين وبين ما في الحديث الصحيح نعم أما ceux qui demanderont au prophète عليه الصلاة والسلام يوم القيامة فالو prophète صلى الله عليه وسلم ils seront en face d'eux et ils seront vivants et un Nabi صلى الله عليه وسلم il sera capable de faire cette demande بل الله سبحانه وتعالى il l'a élevé avec هذا المقام العظيم أما demander à des morts بأي دين بأي دليل que des suppositions, ils ont, vous avez remarqué, que des choubah, des ambiguïtés. Emma s'est fondée sur des rêves, Emma sur le suivi de leurs ancêtres, Emma sur des hadiths da'if, des preuves qui montrent clairement que c'est permis, lakin c'est des hadiths inventés, Emma hadith sahih, lakin il n'est pas à sa place. Wa hakadha jami' ahl al-batil. Tu trouveras, Emma ils se fondent sur des rumeurs, des ondits, des rêves, ou At-taqlid, ils suivent leurs ancêtres ou autres, ou ils se basent sur des preuves qui ne sont pas sahihas, des hadiths faibles, ou un hadith qui est sahih, mais ils ne l'ont pas compris. Ça nous montre l'importance d'étudier al-adilla min al-Qur'an ou min al-Sunnah avec la compréhension des savants de l'islam, la compréhension des sahaba, la compréhension des salaf, la compréhension des savants contemporains, pour comprendre al-hadith. Wa illa, sans revenir aux gens de science, Iyadun billah, le résultat, ça sera hada. Tu trouveras wa'adun nas. Peut-être qu'il va lire un verset et va croire que ce verset montre que tu peux faire du shirk. Ou un hadith, annahu, c'est permis de demander à autre qu'Allah, azza wa jalla. Limada, l'ignorance. Pourtant, le dalil, c'est haq. Le Qur'an, c'est haq. Sunnah, c'est haq. Laquelle la compréhension de la personne. Et on répète, hada, ça nous montre c'est pas tous ceux qui parlent avec des versets du Coran ou des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, maintenant forcément ils sont sur la vérité. Là, est-ce que ce hadith et ce verset ils sont compris comme ils l'ont compris les salaf, comme ils l'ont compris les savants? Wa illa akthar ahl al-batil cite comme argument des versets et des hadiths. Qala wa fi qissati Musa alayhi salatu wa salam فبهذا التفصيل زالت هذه الشبهة والحمد لله. بقي أن تنبيه مهم من كلام شيخ ابن عثيمين رحمه الله dans son شرح. قال الإمام العثيمين رحمه الله في شرحه ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه لا بأس أن تأتي لرجل صالح تعرفه وتعرف صلاحه فتسأله أن يدعو الله لك. Aïe, al-mu'allif rahimahullah, Cheikh al-Islam, dans Keshf Shubuhat, il a cité un où il n'y avait pas de mal à demander à un homme pieux, vivant, présent, qui est capable d'akhir, qui fasse cette dua pour toi. Wa hakada, Cheikh al-Fawzan, havidahullah, il a expliqué un où c'est permis. Lakin, Cheikh al-Uzaymin, il a fait une remarque importante. Qal, wa hada haq, illa annahu la yanbaghi lil insan an yattakhid dhalika daydanan lahu kullama ra'a rajulan salihan qala ud'u Allah li. On fait attention que ça ne devienne pas une habitude. Ça peut pousser à des choses mauvaises. L'insan, il peut exagérer. L'insan, il peut délaisser le dua alors que Allah subhanahu wa ta'ala amara nabi dua. On ne doit pas prendre ça comme habitude. À chaque fois qu'on voit un savant ou un homme pieux ou quelqu'un qu'on pense qu'il est à la khayr, fait dua pour moi. Pour هذا الصالح. Peut-être que ça va le mettre mal à l'aise, il a agré. Enfin, de temps en temps, na'am. Wa dalil, anna Umar, radiyallahu anhu, à son époque, quand ils ont été éprouvés par la sécheresse, ils ont été voir Al-Abbas, l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il fasse dua. Ça montre, anna, c'est permis d'aller voir un homme pieux pour qu'il fasse dua, lakin, comme ils ont fait le sahaba, de temps en temps, enfin, on n'exagère pas. Anna, on dit que celui qui demande à un vivant, un salih, il ressemble au soufi, ou anna, il fait du shirk. Iyadun billah, ça c'est de l'exagération. Et kadalik, on n'ouvre pas la porte totalement. Anna, on exagère et chaque fois qu'on voit un savant, un homme pieux, on lui demande. Là, hada, c'est pas du shirk, c'est permis, lakin, sans exagérer. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله فإن هذا ليس من عادة السلف رضي الله عنهم وفيه اتكال على دعاء الغير ومن المعلوم أن الإنسان إذا دعا ربه بنفسه كان خيرا له لأنه يفعل عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. Faut pas oublier que c'est une عبادة عظيمة l'invocation. قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. Et beaucoup de أدلة في فضل الدعاء. Donc se priver et demander à un autre et cet autre c'est lui qui demande à Allah عز وجل. في الحقيقة الإنسان il se prive. فلا ينبغي هذا أي خاصة سوفون. قال ومن المعلوم قرأنا فإن الدعاء كما قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الآية والإنسان إذا دعا ربه بنفسه فإنه ينال أجر العبادة ثم يعتمد على الله عز وجل في حصول المنفعة ودفع المضرة. كذلك الإنسان سي سابتوا لويمام يدمد الله عز وجل. Ça va remplir son cœur de iman. Et que d'ailleurs, ça y est, tawakkul ala Allah, il va espérer la réponse. Mais s'il demande d'iman à un autre, il va attendre est-ce que l'autre il a demandé amla. Comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, c'est pas min adati salaf. Qala bi khilaf ma idha talaba min ghayrihi an ay min ghayrihi, il demande à un autre qui fasse dua pour lui. Bien sûr, on est d'iman dans quelqu'un de vivant, présent, il a akhir. أن يدعو الله له فإنه يعتمد على ذلك الغير وربما يكون تعلقه بهذا الغير أكثر من تعلقه بالله عز وجل. C'est là le mahdour. Peut-être qu'il va attendre. Est-ce que Fulan il a invoqué pour moi? ثم Fulan s'il a invoqué, il va attendre. Est-ce qu'Allah il va répondre à Fulan? Et في الحقيقة, son attente elle sera toujours liée à cet autre. Et هذا c'est pas طيب. C'est pour ça que c'était pas من عادة السلف. Certains ils l'ont fait, on a cité l'exemple de Omar radiallahu anhu, lakin c'était pas toujours là. Sahih, à notre époque, quand ils ont su que c'était permis de demander à un homme pieux, Certains exagèrent fi hada al-bab. Chaque fois qu'ils voient un impur ou un savant, fait du'a pour moi. Ud'u Allah lana ila akhirih. Al-haqiqa, on doit s'habituer à faire du'a nous-mêmes. قال وهذا الأمر فيه خطورة قد قال شيخ الإسلام قال إذا طلب الإنسان من شخص أن يدعو له فإن هذا من المسألة المذمومة كانه شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الكلام رحمه الله إذا طلب الإنسان من شخص أن يدعو له فإن هذا من المسألة المذمومة et on avait détaillé ce point dans une kalima ensemble ذم المسألة et le fait de ne pas s'habituer à demander aux autres. Et Cheikh l'Islam, il a dit, demander à un autre, ça rentre via Dalbab. Khasatan al-Ikthar. Khasatan celui qui s'habitue. Limada, Lianna, tu vas déranger cet impieux ou ce savant. Kadalik, comme a dit Cheikh l'Vozan, tu vas toujours t'accrocher à sa demande, à lui. Est-ce qu'il a demandé Amla ila akhri? Fahada, c'est pas tayyib. Anastavid min hada, anna. Tant que tu peux éviter de demander aux autres de l'argent, ou ad-du'a, n'importe quelle chose, fa'fa'al. Il y en a la demande, demander aux autres, même si c'est une chose permise, ça peut être cause d'humiliation pour toi, ou de te faire rabaisser, ou de te faire rejeter. Son mal insane, il devient lourd. À chaque fois qu'il voit quelqu'un, il lui demande du'a, Rabbama, c'est un pu, il l'évite, ou ce savant, il l'évite. Enfin, tout ça, c'est pas payé. التوكل على الله الاعتماد على الله c'est مهم اي on place notre confiance et on demande à Allah عز وجل وحده et bien sûr celui qui demande on répète c'est pas du shirk lakin al-ikthar souvent et ça devient une habitude ça fait pas partie de manhaj al-salaf al-murad al-maqsoud c'était face kalam celui qui veut le noter هنا c'est important en remarque une simple note أي عند كلام شيخ الفوزان أو عند كلام شيخ الإسلام أن c'est permis de demander au vivant إلى آخره فتو إكخرا une note une remarque أن شيخ ابن عثيمين أفاد أن الإكثار من ذلك أي que ça devient une habitude de demander aux autres qui fassent dua pour nous ça fait pas partie de la voie des salaf et ça va entraîner des choses mauvaises qu'il a cité dans son charh et tu mets la référence comme ça le jour où tu relis hada sharh ou tu le lis à un frère, ben, tu auras ta note et tu n'as plus qu'à revenir au sharh de Cheikh Ibn Uthaymeen. Qala rahimahullah, qala wa lahum shubhatun ukhra. La 15e et la dernière shubha. Donc la 14e shubha, on la résume, annahum, ils ont cité hadith al-shafa'a, ils ont prétendu anna les gens ils demanderont à certains prophètes. Et cette demande, ce n'est pas du shirk. Donc ils ont conclu que leur demande qu'ils font, la demande de Shafa'a qu'ils font fit dunya, ce n'est pas du shirk. Et la réponse, elle est claire. Elle n'a demandé à un vivant, ce n'est pas comme demander à un mort. Demander à quelqu'un qui est capable, ce n'est pas comme demander à quelqu'un qui est incapable. C'est deux situations différentes. Donc, cette shubha kadhalik, elle repose sur rien. قال ولهم شبهة أخرى. Donc c'est la 15e et la dernière. وهي قصة إبراهيم. لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهوى فقال له ولك حاجة فقال إبراهيم أما إليك فلا فقالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. Ils se sont basés sur cette histoire et cette histoire elle est ضعيفه. قلنا لكم إما leur argument de n'importe quel مبطل n'importe quel égaré que ce soit un kafir ou un مبتدع n'importe quel argument qu'il cite, imma c'est pas à sa place, imma c'est dhaif. Limadha li anna al-Qur'an et sunnah, ça peut pas être un argument pour un égarement, abdan. Enfin, ils ont cité cette histoire. Anna Ibrahim, alayhi salatu salam, quand il a été jeté dans le feu, enfin, Jibril, il est venu le voir à ce moment et il lui a demandé est-ce que tu as besoin de quelque chose. Faqala Ibrahim, amma ilayka fala. Amma de ta part, je n'ai pas besoin. Il a besoin que d'Allah. أي هم ماذا قالوا قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل si le fait de demander à Jibril qui est une créature ça serait du shirk فجبريل il aurait jamais proposé son aide à Ibrahim. Premièrement la réponse أن هذه القصة ضعيفة لا أصل لها لا aucune source dans les livres de hadith c'est من الإسرائيليات C'est un récit parmi les récits des enfants d'Israël, Banu Israël. كما بينا الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الضعيف. Donc, هذا c'est ضعيف. On peut pas prendre cette histoire comme argument. Et كذلك, même si on dit que cette histoire elle est sahiha, سيأتي الجواب. أن كذلك, il y a aucun rapport avec le shirk. فالجواب أن هذا من جنس الهيئة الأولى. Et dans une nusra من جنس الشبهة الأولى. Aïe, c'est comme ce qu'on a vu auparavant. فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْفَعَهُ بِأَمْرٍ يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ شَدِيدُ الْقُوَى فَلَوْ أَذِنَ اللَّهُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ نَارَ إِبْرَاهِيمَ وَمَا حَوْلَهَا مِنَ الْأَرْضِ وَالْجِبَالِ وَيُلْقِيهَا فِي الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَفَعَلَ وَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَضَعَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي مَكَانٍ بَعِيدٍ عَنْهُمْ لَفَعَلَ وَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَرْفَعَهُ إِلَى السَّمَاءِ لَفَعَلَ. نعم لأن جبريل il était présent. Si on dit que l'histoire elle est authentique, جبريل il était présent. فسي إبراهيم il aurait dit à جبريل débarrasse-moi de هؤلاء. جبريل عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى إلا كاليفي أنه إلى قوة شديدة عظيمة. فجبريل il aurait pu écarter Ibrahim, il aurait pu l'élever au ciel, il aurait pu le déplacer dans un autre endroit, il aurait pu éliminer هؤلاء, les ennemis d'Ibrahim. Donc كذلك, ça n'a rien à voir. Mahoum il demande des morts, donc c'est pas pareil. قال وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون. C'est comme un homme riche qui a de l'argent, qui propose à un homme pauvre de l'aide. Imma, il lui propose de lui prêter de l'argent. Imma, il propose de lui donner de l'argent. Et ce pauvre, il refuse. Il dit là, je n'ai pas besoin de ton argent. Attawakkal ala Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va me donner, sans que je tende la main. C'est exactement la même chose. Est-ce que c'est du shirk? Là, l'homme, il est présent, il est capable de l'aider. Amma wahed, un homme pauvre, qui va et qui demande à un mort, il demande à un wali, Sidi Fulan, il lui demande de l'argent et l'akhiré. C'est du shirk billah azza wa jal. La différence, elle est claire. قال الشيخ الفوزان هذه آخر الشبهات التي ذكرها الشيخ في هذه الرسالة العظيمة فأجاب عنها بجواب سديد موفق وهي أن عبادة القبور أن عباد القبور الذين يطلبون المدد من الأموات ويستغيثون بهم يقولون إن هذه الاستغاثة ليست شركا وذلك بدليل قصة جبريل عليه السلام مع إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار فإن جبريل جاء إلى إبراهيم كما يروى. Et ça, ça montre que القصة لضعيفة. Et comme on rapporte, Cheikh Al-Fawzan, il a cité هذا بسيرة التمريض كما يقولون. Il a pas dit كما روى فلان. كما يروى. Et certains, ils rapportent. Et العلماء, quand ils citent يروى, on a dit, ça montre qu'il faut vérifier la chaîne de transmission. Et l'imam al-Albani, rahimahullah, il a montré qu'il n'y avait aucune source à cette histoire. C'est un récit de Banu Israël. فقال جبريل لإبراهيم عليه السلام هل لك من حاجة يعرض عليه المساعدة لإنقاذه وجبريل عليه السلام لا شك ذو قوة عظيمة وعنده قدرة على إنقاذ إبراهيم. هذا يا أكن دوت أن جبريل il avait la capacité de sauver إبراهيم بإذن الله عز وجل وقد وصفه الله عز وجل فقال ذي قوة عند ذي العرش مكين عند ذي نعم ذي قوة عند ذي العرش مكين الشاهد ذي قوة قال وفي الآية الأخرى ذو مرة يعني قوة فعرض جبريل على إبراهيم أن يساعده في إخراجه من هذه الشدة لما كان إبراهيم عظيم الثقة بالله قال له أما إليك فلا وأما إلى الله فبلا فإبراهيم عليه السلام لم يرد أن يطلب من مخلوق أن ينقذه من هذه الشدة، وإنما توجه إلى ربه كما صح في الحديث أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل. في الحقيقة cette قصة c'est un argument contre eux. أن إبراهيم il a pas voulu demander à autre qu'Allah عز وجل. فلماذا هم ils font pas la même chose؟ Ils demandent qu'à Allah سبحانه وتعالى et ils disent حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن ils ont prétendu أن si Jibril il a proposé c'est que c'est pas du shirk. لا. C'est comme si quelqu'un te propose de l'aider, il est vivant. Là, je sais que ce n'est pas du shirk. Ça n'a rien à voir. Nous, ce qu'on reproche à Oula, c'est d'adorer des morts. De demander à des morts. C'est ça. Un vivant qui est capable, ce n'est pas du shirk. فهذا من باب التوكل على الله وتفويض الأمر إليه وهذه الصفة أكمل الخلق إيمانا حيث إن إبراهيم رفض مساعدة المخلوق وقبل مساعدة الخالق لأن مساعدة المخلوق فيها منه وحاجة إلى المخلوق ومساعدة الخالق سبحانه لا منة فيها لغير الله وهي فضل من الله سبحانه وتعالى وجبريل عرض على إبراهيم شيئا يقدر عليه وهو عرض من حي حاضر قادر كما يعرض الغني على الفقير مساعدته بالمال. Donc, ça n'a rien à voir avec la demande des morts. Les Anna Jibril, il était présent, il était capable. Ala sihat al-qissa, bien sûr. Walaysa hada min jins al-istighathati bil amwat aw al-gha'ibin alladhina yastaghithu bihim al-quburiyun fa inna al-amwat la yustaghathu bihim wa la yaqdiruna ala ma tuliba minhum wa la yasma'una du'a'a man da'ahum kama qala ta'ala. Donc, Al-Mushrikoun, Al-Quburiyoun, eux, ils demandent à des morts. Yastaghithuna bi amwat. Quand ils sont touchés par une épreuve, par un mal, la pauvreté, la maladie ou autre, ils demandent à des morts. Et ils prétendent que c'est la demande de Shafa'a. Tout ça, on a expliqué. Al-Haqiqa, ils demandent Shafa'a à des morts que ce mort lui-même, il ne peut pas la donner. Léana Shafa'a, c'est un mulk lillah. Elle appartient à Allah Azza wa Jal. Shafa'a, la bout min idn. Allah, il donne la permission à qui il veut. La différence elle est énorme. كما قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. Et on a expliqué ces versets من سورة سبع avec كلام ابن القيم رحمه الله. تذكرون أن الله عز وجل في هذه الآيات رد على جميع شبهات المشركين. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. On est tous d'accord. Si on prend l'exemple des morts pour répondre à هؤلاء القبوريون qui adore les morts. On est tous d'accord أن ce mort لا يملك شيئا. Il possède rien. لماذا؟ لأن الملك c'est لله. Toutes les créatures elles appartiennent à Allah. Allah il fait ce qu'il veut. On est tous d'accord. قال وما لهم فيهما من شرك. كذلك ce mort c'est pas un associé à Allah Azza wa Jalla. Allah, il n'a pas d'associé. Fi mulki. Il n'a pas d'associé fi rububiyyati. Il n'a pas d'associé fi l'ibada. Il n'a pas d'associé fi asma'ihi wa sifatih. Allah, c'est al-ahad al-samad. Allah, il est unique. On est tous d'accord. Qala wa la tanfa'u shafa'a. Kadhalik qawluhu. Wa ma lahu minhum min zahir. Al-zahir, c'est celui qui aide. Allah, il n'a pas besoin d'aide. Allah, il fait ce qu'il veut. Wa la tanfa'u shafa'atu 'indahu illa liman adhina lahu. Ibn al-Qayyim, tadhkurun, rahimahullah, qala anna, il reste que shafa'a, vu que ce mort, ça ne peut pas être un associé. Bel, il ne possède rien. Kadhalik, il n'aide pas Allah. Allah, il a besoin de personne. Il reste que shafa'a. Et c'est shubhatu jami' al-mushrikin. Allah, subhanahu wa ta'ala, abtala hadhi shubha dans ce verset. Allah, subhanahu wa ta'ala, il a démontré que cette ambiguïté à laquelle ils s'accrochent tous les mushrikoun, on demande que l'intercession. قال عز وجل ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن الله. الشفاعة elle est utile que pour ceux à qui Allah سبحانه وتعالى donne la permission. نحن on dit à هؤلاء qui c'est qui vous a dit que ce mort il aura la permission de faire شفاعة. من personne peut dire oui. Il y en a il est mort. من أخبرهم. Il reste quoi? Il reste التوحيد. Celui qui veut الحق il demande à Allah Azza wa Jal. Wa qala ta'ala dhalikumullahu rabbukum lahul mulk walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum. Na'am. Ma yamlikuna min qitmir. Al-Qitmir, tazkurun, c'est l'œuf, la petite pellicule, la petite enveloppe qui est autour du noyau de date. Hatta hada ma yamlikuna. Ce mort, hatta cette couche qui est très très fine autour du noyau de date, ma yamlikuha. Enfin, qu'est-ce qu'il va te donner? Est-ce qu'il va te donner al-shifa, la guérison, la guidée des enfants, al-rizq ila akhir? Abadan. Qala azza wa jal, in tad'uhum la yasma'u du'a'akum. Ça, c'est un rod ala ha'oula qui disent, on leur demande pour qu'ils demandent à Allah. Là, qui n'y t'entend pas? Qu'est-ce que tu demandes à un mort qui n'entend pas? On me dit, on demande que shafa'a pour qu'il demande à Allah. Là, qui tu demandes à un mort? La yasma'. Qala azza wa jal, in tad'uhum, si vous leur demandez, si vous les invoquez, la yasma'u du'a'akum. Ils ne vous entendent pas. Wa law sami'u mastajabu lakum. Et même si, on qaddar, annahum ils entendent, même s'ils vous entendraient, ils ne pourraient pas vous répondre. Limad ali annahum ils sont morts. Celui qui répond, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Fabihad antahayna min hadihi ash-shubuhat wa lillahi alhamd. Révisez les 15 shubuhat fi hadha al-bab al-azim fi bab al-tawhid. Celui qui a compris ces shubuhat et les réponses, fabi idnillahi azza wa jal, il aura compris beaucoup de ce chapitre essentiel, Tawhidullah subhanahu wa ta'ala fil ibad. Et le prochain dars, on lira Al-Khatima, la conclusion de l'auteur, rahimahullah. On actifie bihada al-qadr et on passe à notre deuxième dars.